Il était une fois un vieux loup avec de longs poils noirs qui s'appelait Hector. Il habitait dans une forêt de chênes. Ce sont de grands arbres qui portent des glands. Et au milieu de ces chênes, vers la lumière, tout seul, un jeune sapin vert avait poussé. Hector ne l'avait pas remarqué, trop intéressé qu'il était à surveiller les petits enfants qui venaient jouer autour de chez lui. Il trouvait aux petits enfants blonds un merveilleux goût de noisette. Un jour, Hector vit arriver Petit Pierre, rose comme un cochon de lait et blond comme le miel neuf qui sort de la ruche. Comme il se lèche les babines. Il est prêt à bondir quand il entend la chanson de Pierre. Déposer des autos, des mécanos, des jouets. Les enfants sont gentils, les sapins, les bougies. Dans toutes les maisons, ce sera joli. C'est bientôt Noël, que la vie est belle. Bientôt viendra le Père Noël. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Tiens, se dit Hector. Un sapin. Pourquoi faire ? Hector penche la tête pour mieux entendre, si bien que, hop, il dégringole du buisson où il était caché. Ah ! Il voit d'un seul coup toutes les étoiles du ciel. Mais quand il ouvre les yeux, il se trouve juste devant Pierre. Et Pierre, qui ne sait pas qu'il parle au loup, parce qu'il n'en a jamais vu, Pierre lui demande : C'est qui, toi ? Tu n'es pas plutôt du Médor ? Je te connais pas, et tu n'as pas l'air méchant. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Hector. Et toi ? Moi, Pierre. Je viens chercher un beau sapin car c'est bientôt Noël. Tu les gardes, les sapins ? Ils sont à toi ? Non, j'habite ici, mais les sapins ne sont pas à moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est le Père Noël ? Tu ne sais pas qui est le Père Noël ? Mais qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta maman ? Le Père Noël habite dans le ciel. Se promène sur un grand traîneau tiré par des rails. Tu sais, ces bêtes qui ont de longues cornes, ils portent une belle robe rouge et une longue barbe blanche. Il aime beaucoup les enfants et leur apporte des cadeaux. Des cadeaux ? Quels cadeaux ? Mais des trains électriques, des hélicoptères, des habits de cosmonautes, des... Oh ! Le loup est émerveillé. Il est si intéressé qu'il ne pense plus du tout à manger Pierre. Quant à Pierre, il a faim. Il prend les tartines qu'il a dans son sac, en donne une à Hector et mange l'autre, tout en continuant à raconter. Tout à l'heure, tu parlais de cheminée. C'est fait comment, une cheminée ? Décidément, tu ne sais rien. La cheminée, c'est le grand trou qui s'ouvre dans le toit de la maison. C'est par là que le Père Noël descend la nuit de Noël. Car l'hiver, toutes les portes des maisons sont fermées. Il fait si froid dehors. Tu comprends ? Sans la cheminée, il ne pourrait pas entrer. Voilà, tu sais tout maintenant. Je peux m'en aller ? Maman m'attend. Attends, dis-moi encore. Comment le Père Noël choisit-il ce qu'il doit apporter ? Je lui écris une belle lettre avec de l'encre de couleur et des étoiles. Oh ! Dit Hector, songeur. Crois-tu que si je lui écrivais, il m'apporterait aussi quelque chose ? Pierre se gratte la tête. Je ne sais pas. Tu pourrais peut-être essayer. Et tout à coup, Hector se met à pleurer. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien du tout. Je sais pas lire, pas écrire, je ne suis qu'un pauvre loup. Père Noël, je ne peux pas t'écrire. Je ne connais même pas mon alphabet. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien du tout. Les petits enfants des hommes, eux, ils vont à l'école. Mais des écoles pour loups, il n'y en a pas du tout. Et ça me rend tellement malheureux. Je ne sais rien, je ne sais rien, je suis qu'un bon à rien. Qu'un pauvre loup un peu fou qui ne sait rien du tout. Père Noël, écoute-moi quand même. Je voudrais des cadeaux pour Noël. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien du tout. Je sais pas lire, pas écrire, je suis qu'un pauvre loup.